quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand l'angoisse m'étreignait, tu m'as soulagé. Aie pitié de moi, écoute ma prière. Ne ferme pas ton ciel à mon cri brisé. Fils des hommes, jusqu'à quand mon honneur sera piétiné? Jusqu'à quand aimerez-vous le mensonge et la vanité? Sachez-le, l'Éternel s'est choisi infidèle. Le Seigneur m'écoute quand je crie vers lui. Tremblez, ne péchez point dans le secret de vos nuits. Parlez à vos cœurs et gardez le silence ici. Offrez des sacrifices de justice et placez en l'Éternel votre confiance. Qui nous fera voir le bonheur, fais lever sur nous ta lumière, Seigneur. Tout leur blé, leur vin rassemblé. En paix je me couche, en paix je m'endors. Car toi seul, ô Seigneur, me fais demeurer en sécurité.